Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, et on est en pleine émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On attaque tout juste l'aspect française avec des formations 100% hexagonales, il y aura aussi de la nouveauté dans cette sélection. Lunar Tombfield Mortuary, tout d'abord, voilà, le doublet d'ouverture de cette aspect française. Tout d'abord, Lunar Tombfield, ça c'est intéressant de mettre les deux en opposition et en complémentarité, puisque la récente formation de Black Metal, toujours signée chez les Acteurs de l'Ombre, vient de sortir un nouvel effort studio, un an et demi seulement après le premier. Voilà, sur le précédent opus, les compos allaient facilement chatouiller les 15 minutes. Là, on est sur des versions un peu plus courtes, qui n'atteignent pas les 10 minutes. Cependant, on est sur un black metal atmosphérique et épique. On a même quelques éléments cascadiens black metal. Voilà, cependant, Lunar Tombfield, voilà, vraiment une formation à suivre de près. Et après les jeunes loups de Lunar Tombfield, on passe aux vétérans de Mortuary, la formation de Death qui nous vient de Nancy, sort là un nouvel effort studio, le 7ème, actif depuis bientôt 35 ans de carrière, hein, presque aussi vieux qu'un Cannibal Corpse. Du Death très frenchy, traditionnel, violent, old school dans l'ensemble. Ça fait le taf, y a pas de fioriture. Voilà, 4 ans après le précédent album studio, ce dernier a été enregistré au Hertz Studio en Pologne. Voilà, plein de grosses formations emblématiques du Death de là-bas sont sorties de ce studio, Vader, Decapitated, etc. A noter, et c'est pas banal, qu'en 15 ans, le label qui les a signés n'a sorti que 2-3 choses, à savoir Adipocere Records, donc voilà, un double soutien à Mortuary et à Adipocere. Au niveau de la musique, on va s'écouter The Amber Heard, le titre de Lunar Tombfield, extrait d'album An Arrow to the Sun, Mortuary, Postpone Miracles, extrait d'album Sublime, The Decline. Et tout ça, bien sûr, c'est déjà dispo. like the fires of our legion. Those times we have not known, because our father spared us. Prepare yourself for the storm that is coming. Hold yourself, sharpen your soul, and nothing will reach you. On continue d'avancer dans l'aspect française avec eh bien, une nouveauté pour ce soir. Ordure, H-O-R-D-U-R, un trio grind qui nous vient de Lyon. Plutôt actif, hein, la scène lyonnaise en termes de grind. Bon, ça renifle un petit peu le cul, hein, une sortie sans surprise chez Lixiviat Records. Le groupe est actif depuis 2017 et il vient là donc de sortir son second album studio. Le mec qui martèle les fûts chez Ordure joue aussi chez Civilian Thrower, la S, R-A-N, etc. Que des formations Lixiviat qu'on vous a diffusées eh ben, au cours de ces derniers mois. 21 compos, en 19 minutes, pas besoin d'en rajouter plus, c'est grind, power violence, punk, un peu 10 bit crust, ça va vite, c'est bruyant, c'est énervé, et bah ordure, on adhère. Black Blyle, ensuite, du doom post-metal qui nous vient de Lorient, grand écart géographique, actif depuis une demi-douzaine d'années à peine. Le groupe vient de sortir son premier album chez Frozen Records, après un premier EP qui a eu le jour en 2019. Des morceaux plutôt généreux, hein, seulement 5 compos, c'est plutôt logique vu le style pratiqué et défendu. C'est une femme qui tient la baguette au sein de Black Bale. Voilà, excellente palette vocale, on a des intonations bien écorchées et à côté de ça des passages beaucoup plus aériano-mélancoliques. Voilà, Black Bale, pareil, récente formation à suivre de près. Pour la musique, ordure et puté vilain, perdu dans le sleeping, extrait de l'album Beast Repetitia. C'est pas la première fois hein, qu'on a des groupes de cette scène-là qui nous sortent des noms d'albums qui n'ont absolument aucun sens pour nous. Mais bon. Et puis bon, le titre et puté vilain, ça me rappelle tellement les gueules de vieille signées Necropsy. Enfin bref. Black Bile, Bereavement, extrait de l'album Lord Ali. Et donc, pour les titres de cette petite doublette, c'est déjà disponible. C'est parti. Oh, Et voilà, on va clôturer le chapitre de l'aspect française de ce soir avec une autre petite glissade pour retourner à la diff internationale. Tout d'abord, Disturbed, alors non pas Disturbed, mais Disturb, le groupe hardcore edge metal qui nous vient de Marseille, formé en 1999, des vétérans de la scène, hein, 25 ans d'existence. Ils viennent de sortir là un nouvel EP, presque 15 ans, sans que le groupe n'ait rien sorti en version studio. Voilà, deux albums à vu le jour dans les années 2000. On est sur du hardcore très ricain, très New York hardcore, hein, Headbleed, Terror, Sworn Enemy, Madball, etc. Cinq titres qui font entre 2 et 3 minutes sur ce nouvel EP de Disturb. Ça va à l'essentiel. Arborescence of Wrath, ensuite, pour clôturer définitivement l'aspect française de ce soir. Petite glissade, hein, parce qu'un petit All-Star Band avec une base française. Deux membres de In Other Climes. Quels qui viennent faire dans cette formation In Other Climes qui intègre une formation Brutal Death, un peu Death Old School, très très très d'influence ricaine. Enfin voilà, improbable de voir des membres d'une formation qui n'a rien à voir avec le death musicalement sur un line-up comme ça. On retrouve également Azikos de Monument of Misanthropy et le vocaliste Jason Kaiser, voilà, Origin Skinless, et le cogneur allemand Simon Schilling, actuel cogneur chez Marduk. Voilà, ça nous sort un bon gros melting pot de death bien énervé signé US90. Donc voilà, et l'album se clôture par une petite cover de Immolation. Pourquoi pas, tant que la musique est bonne. Disturb, Worth of the Worst, extrait de l'EP The Weight of Deeds. Arborescence of Wrath, Temple of Ashes, extrait de l'album sobrement intitulé Inferno. C'est parti. Yeah! On s'approche tout doucettement de la fin de l'émission Hellbanger de ce soir et on continue d'égriner nos petites nouveautés. Tout d'abord, Membrane, on est sur du pur black metal venu de Pologne. La formation est active depuis une demi-douzaine d'années. Ils sortent déjà leur second album studio. On retrouve plusieurs icônes de chez Blades of Perdition. Là, on est sur un groupe un peu plus ancien quand même de la scène polonaise. Voilà, un black metal vraiment propre à la Pologne, forcément dans les lignées d'Ingwa et autres Head Forest, etc. pardon. Des textes en polonais, des compos généreux, 6 à 8 minutes. C'est bien chiadé, et donc c'est à suivre de près Membrane. Receiver, ensuite, une autre nouveauté pour ce soir. On est sur du Heavy Epic qui nous vient de Chypre. Ils viennent de sortir leur premier album longue durée, une sortie Gates of Hell Records. Production, hein, y a pas eu en plus de P ou de démo avant ça. 8 titres pour 40 minutes d'un heavy bien épique et old school. Ça va chercher du côté du heavy anglais des 80s, hein, avec Maiden et les rythmiques bien galopantes. Quelques éléments un peu mélofolk chypriote. Et surtout, voilà, ce gros côté épique, aventureux, histo. C'est une femme qui tient le micro chez Receiver. Un timbre, bien marqué déjà, malgré le peu d'années d'ancienneté de la formation. On va s'écouter ça tout de suite, donc avec tout d'abord Membrane, Greci Oscuro, extra album Interregnum. Receiver ensuite, Unite, extra album Whispers of Lore. C'est parti. We'll be right back.

Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, Malocarpatane. Malocarpatane, donc dernière nouveauté dans l'émission de ce soir. Qu'est-ce donc que cette formation obscure ? Eh bien, il y a la réponse dans la question. On est sur du Heavy Black qui nous vient de Slovaquie, actif depuis une dizaine d'années, et ils sortent là leur quatrième effort studio. On est sur un groupe qui propose une musique plutôt originale, déjà les textes sont en slovaque, et le groupe va chercher dans des forcément des influences historiques folkloriques propres à la Slovaquie. Musicalement, c'est chouette, c'est riche, un black plutôt old school, dans la lignée des noms cultes du proto-black d'Europe centrale, Master Hammer, Tormentor, entre autres, avec de gros relents heavy occultes, là on va plutôt chercher du côté du Danemark avec Mercyful Fate. Musicalement, c'est donc très riche, soigné au niveau des atmosphères, pas mal de petits instrus par-ci par-là, voilà, pareil, tradi-folk venu de Slovaquie. Petit accordéon, harpe, mellotron, etc. Voilà, alors c'est des instruments qu'on retrouve dans plein de cultures musicales, mais là, mis avec des sonorités slovaques. Donc, à suivre de près cette récente formation au nom difficilement prononçable, Malocarpatane. Il y a forcément un lien avec les Carpates, je dirais. Reckless, ensuite, du Heavy Speed qui nous vient de Bogota en Colombie. Ils sortent là leur premier effort studio chez Dying Victim Prod. C'est ultra old school et true as fuck, avec cette dinguerie venue d'Amérique du Sud. Voilà, à la croisée des formations plutôt récentes, notamment venues d'Allemagne ou de Suède, avec des trucs bien old school. À suivre de près donc la formation Reckless. Et niveau musique, on va s'écouter Malocarpatane, Marala Golem, Vertnumus Kaisar, c'est le nom de leur album, bon là on n'est pas tellement sur le slovaque, Reckless, Wake Up Screaming, et sur l'album Chart Magic Steel, c'est parti. Oh, C'est l'heure de la dernière doublette dans l'émission Hellbanger de ce soir. On va se quitter toujours sur les ondes du 93.6 avec tout d'abord Blasocystia. Mais qu'est-ce que c'est poétique, mais qu'est-ce que c'est dansant, chantant. C'est du Brutal Slam Death, il nous vient d'Allemagne. Le groupe s'est formé en... Ça me fait crever, Blastocystia. Le groupe s'est formé en 2019. Ils sortent là son troisième effort studio, hein, ultra prolifique, Cher et Liquiferde. C'est grassé, débile, c'est violent, dans la veine d'un vieux Acranius épicardiectomie en encore moins finaux. Blastocystia, c'est écouté d'urgence avec grand plaisir. Et en doublette avec Blastocystia, on vous a dit que le dernier album de Cannibal Corpse était cool. Je sais pas, je sais plus. Toujours est-il qu'on va se faire bien plaisir en clôturant l'émission de ce soir avec un deuxième extrait de leur très très bon Chaos Horrifique. C'est sorti fin septembre chez Metal Blade, on s'écoutera Pitchfork Impalement. la poésie, tout ça. Blastocystia, juste avant, avec un extrait de l'album Upper Triassic Slam Catalysm, avec le titre Primeval Obliterator. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne fin d'écoute, et rendez-vous dimanche prochain. Là, ce sera pour une émission en direct. Ciao, ciao.